Chapitre 10e, le bail du rendez-vous des marins. Dire que cette nouvelle avait abasourdi Miss Bordelion serait donner une faible idée du terrible coup que venait de lui porter Tiffle. Au moment même où cet estimable domestique paraissait devant elle, Miss Bordelion, plongée dans un rêve de la plus douce fantaisie, se faisait un tableau charmant de ce que George Lester pourrait peut-être lui avouer ce soir-là même. Depuis le jour où il avait manifesté ses intentions à propos de la nouvelle serre, il n'avait plus dit un mot de ce projet. Mais Marguerite n'avait tiré aucun mauvais présage de ce silence. La découverte du corps de Harry Dane avait causé une grande commotion à Danesheld, et M. Lester, en particulier, ne s'était pas occupé d'autre chose. Il y avait eu aussi l'enquête, puis les doubles funérailles. La sécurité de Miss Bordelion était donc complète. Quand Tiffle eut refermé la porte, la malheureuse fille resta comme pétrifiée, l'esprit dans un véritable chaos, n'ayant conscience de rien que de ce fait, ce n'était pas à elle que George Lester avait donné son amour, mais à une autre. C'était pour Miss Bordelion le passage du Rubicon. Que de femmes l'ont franchi une fois au moins en leur vie, mais les eaux lui semblaient d'autant plus agitées, et le courant d'autant plus pénible à remonter qu'elle avait plus tardé à s'y aventurer. Douter de la nouvelle ? L'idée ne lui en vint même pas. Elle sentait qu'elle devait être vraie. Elle s'expliqua alors certains petits indices qu'elle avait observés depuis quelque temps dans la conduite et la manière d'être de M. Lester, incompréhensible pour elle jusque-là. Au milieu de son chagrin, cependant, elle eut le courage de regarder l'avenir en face. Il lui fallait prendre une décision, car si la jeune Lady Adélaïde devait venir habiter le hall, elle ne continuerait certes pas à y demeurer avec elle. Elle passa le reste de la journée à réfléchir sur ce qu'elle avait à faire. Elle y pensa courageusement, sans faiblesse, sans que rien trahît son agitation intérieure, si ce n'est de temps à autre une sorte de soupir étouffé et un sourd gémissement. Les enfants lui demandèrent si elle se sentait souffrante. Elle répondit non. M. Lester ne rentra pas pour dîner. Il supposa qu'il était resté au château avec Lord Dane, comme cela lui arrivait quelquefois, sans envoyer avertir chez lui de ne pas l'attendre. Hélas, elle savait maintenant ce qui l'y retenait. Décidée à lui parler le soir même, elle attendit son retour non pas comme d'habitude dans sa propre chambre, mais dans la bibliothèque. 11 heures sonnaient quand il rentra, s'essuyant le front et se plaignant de la chaleur de la soirée. Au moment où il sonnait, le sommelier, pour qu'il lui apportât une bouteille de soda water, il aperçut Miss Bordelion. « Comment, Marguerite ? » s'écria-t-il gaiement. « Mais c'est de l'inconduite, 11 heures et encore debout. » Elle ne put trouver un mot de réponse. La tâche, qui d'abord lui avait semblé facile, était maintenant au-dessus de ses forces. Les quelques mots qu'elle voulait adresser à M. Lester, et qu'elle apprenait par cœur depuis 1 heure, ne lui revenaient plus à la mémoire. Assise près d'une petite lampe à abat-jour vert, dans un coin de la chambre, à demi cachée dans l'ombre, elle faisait semblant de coudre, en s'efforçant de conserver un air d'indifférence et de rassembler son courage pour parler avec calme. C'est évidemment plus aimable à vous que de rester seule dans votre chambre. Je n'ai jamais pu m'expliquer pourquoi vous aviez pris cette habitude, comme si vous aviez peur de moi. Il fallait répondre. Mais comment vaincre l'émotion qui l'agitait? Comment la cacher? Son cœur battait à grands coups dans sa poitrine. Son visage était blanc comme un linge, ses lèvres sèches. Elle se leva brusquement et s'approcha de la table où se trouvait la petite boîte à ouvrage de Maria. Elle resta là un instant, penchée, comme si elle cherchait quelque chose et, tournant le dos à M. Lester, elle dit enfin « J'ai appris certaines nouvelles aujourd'hui et je me suis décidé à attendre votre retour pour vous demander si elles sont vraies. Et puis, par ces chaudes soirées, il est agréable de se coucher tard. Les chaleurs paraissent devoir être précoces cette année. Quelle nouvelle importante avez-vous donc apprise? Que la Tamise a pris feu? Quelque chose qui nous touche de plus près ?» répondit-elle peinée de ce ton léger et de cet air gouailleur qui semblait une moquerie à son propre malheur. On m'a dit que vous alliez. Une toux soudaine l'empêcha de continuer pendant un instant. Vous mariez avec Lady Adélaïde Errol. Qui diable a pu vous annoncer cette bonne nouvelle ? Demanda M. Lester en raillant. C'est Jones qui l'a apporté ici. Jones ? Je le pense du moins. Tiffle, en me l'annonçant, m'a dit, autant que je puis me le rappeler, qu'elle la tenait de Jones. Je n'en suis pas certaine, mais je crois qu'elle a ajouté que Jones la tenait de vous. et dire que Miss Bordelion prête attention aux ragots des domestiques, s'écria M. Lester en riant. Vraiment, je vous aurais cru plus sensé, Marguerite. Marguerite, toujours penchée sur la table à ouvrage qu'elle bouleversait de fond en comble, n'osait pas se retourner du côté de M. Lester, tant elle avait conscience de son trouble et de son agitation. À ce moment, le sommelier entra, apportant le soda water. « Ainsi, Jones, commença M. Lester, vous vous êtes permis de prononcer le nom de Lady Adélaïde Hérole et le mien, à ce que j'apprends ?» Jones, dans sa consternation, laissa presque échapper le plateau de ses mains. La bouteille et le verre s'entrechoquaient quand il les posa sur la table. Il regarda son maître d'un air hébété, devint pourpre, balbutia, bégaya sans pouvoir prononcer distinctement un mot d'excuse ou de dénégation. « Et je vous prie, de qui tenez-vous vos informations ?» continua M. Lester. « Monsieur, je vous fais bien mes excuses, si j'ai été mal renseigné. Certainement, je n'aurais pas dû en parler, mais je ne l'ai dit qu'à Tiffel, et sous le sceau du plus grand secret, je l'ai su, monsieur, par M. Dane. »« Par M. Dane ? Oui, M. Geoffrey Dane, monsieur. Voici comment la chose est arrivée. Hier soir, je le rencontrai près du château et il s'arrêta pour me parler. » Il est toujours si aimable et si bon enfant. À ce moment-là même, Lady Adélaïde passa près de nous, revenant de l'église et suivie de sa femme de chambre et de Bruff. C'était sa première sortie depuis tous ces événements. « Quelle charmante demoiselle, monsieur, dis-je à monsieur Dane, quand il remit son chapeau, qu'il avait ôté pour la saluer. On dirait un vrai rayon de soleil. « C'est un rayon de soleil qui luira bientôt sur vous, Jones, dit-il. Dans peu de temps, elle quittera le château pour la maison de votre maître et changera son nom contre celui de M. Lester. » M. Dane avait un si drôle d'air en disant ça. « Un drôle d'air ? Comment un drôle d'air ? Qu'entendez-vous par là, Jones ?»« Dame, monsieur, ça me serait assez difficile de vous l'expliquer. Il y avait comme une curieuse expression sur sa figure, et les coins de sa bouche faisaient une espèce de mou. Ça donnait un air de moquerie à ce qu'il disait. » Jones s'arrêta, mais M. Lester ne fit pas d'observation. J'ai, je l'avoue, parlé de la chose à Tiffel cet après-midi, mais je lui avais recommandé de ne pas la répéter. Je reconnais avoir eu tort, monsieur, et je me repens de mon indiscrétion. Mais M. Dane avait parlé si clairement du prochain mariage, et comme d'une chose entendue et connue. Devrais-je le démentir, monsieur ? Oh Dieu, non ! Répliqua négligemment Squire Lester. Laissez-la, le soda water, je le déboucherai moi-même. Quel satané piborgne ! Se disait à lui-même M. Jones, comme il s'en allait, en donnant à tous les diables la misérable et bavarde Tiffel. Plus d'un maître m'aurait flanqué à la porte pour ça. S'il reste ici, je donne mon compte. Miss Bordelion avait réussi à reprendre son sang-froid pendant ce dialogue. C'est vrai alors ? Oui, c'est vrai, Marguerite, dit M. Lester en devenant sérieux. Vous auriez pu m'en parler, je pense. Certainement, je l'aurais dû. J'avais l'intention de vous faire part de la nouvelle demain matin. Mais quelques mots de l'autre jour étaient comme une préparation. Il n'y a pas de temps perdu, cependant, car les choses n'ont été définitivement arrangées que ce matin avec Lord Dane. Comment Herbert, Geoffrey, veux-je dire, en a-t-il été instruit si tôt ? Je n'y comprends rien. Enfin, peu importe. Est-ce pour bientôt ? Demanda-t-elle d'une voix très basse. Je ne sais pas encore. Adélaïde m'a parlé d'attendre un an. Mais Lord Dane, ce matin, m'a manifesté le désir de voir le mariage célébré le plus tôt possible. Nous prendrons, je pense, un terme moyen entre les deux. En tout cas, vous m'avertirez de l'époque exacte aussitôt que vous serez fixé vous-même. Je puis toujours commencer mes préparatifs dès à présent. Quels préparatifs ? Pour quitter le hall. Et puis il me faut chercher une autre résidence. M. Lester la regarda tout déconcerté. À quoi pensez-vous là, Marguerite ? Vous n'avez pas besoin de quitter le hall. « Ce sera plutôt à moi de vous demander à quoi vous pensez vous-même. Je laisserai certainement la place libre à Lady Adélaïde. Le hall est assez vaste pour elle et pour vous. Et Lady Adélaïde n'aura pas à y prendre votre place comme maîtresse de maison, puisque vous ne vous l'êtes jamais arrogée. Rien ne vous empêche de rester ici, dans la même situation que vous avez choisie, comme vous convenant le mieux. Non, monsieur Lester, c'est impossible. Avant que vous ayez amené votre femme dans cette maison, je lui aurai fait place. » Marguerite, dit-il d'une voix émue et pénétrante. « Je n'oublie pas votre promesse à votre cousine Catherine de la remplacer auprès de Maria. Être en un mot, la seconde mère de cet enfant, ne vous en souvenez-vous donc plus ? Une expression de tristesse se répandit sur le visage de Marguerite au souvenir qu'évoquait M. Lester. « Lady Adélaïde lui servira de mère ? C'est absurde, Marguerite ! Adélaïde est presque une enfant elle-même. Comment pourrait-elle remplir les devoirs d'une mère envers une fille de l'âge de Maria ? Je ne voudrais, pour rien au monde, lui imposer la tâche d'élever une enfant pour laquelle elle ne saurait encore avoir d'affection. Quand elle aura elle-même des enfants, l'expérience lui viendra avec eux. Marguerite, comment avez-vous eu le courage de penser à vous séparer de Maria, l'aimant autant que vous l'aimez ?» Hélas, Marguerite Bordelion n'ignorait pas quel sacrifice une telle séparation serait pour elle. M. Lester continua. « C'est d'après votre désir express que vous vous êtes chargé de l'éducation de Maria. Et depuis 2 ans, vous seul, avec l'aide de quelques maîtres, vous vous êtes occupé de son instruction. Vous avez voulu qu'il en fût ainsi. Vous devez vous rappeler, Marguerite, mes objections et mon opposition à votre plan. Je pensais que cette tâche ne devait pas vous être imposée. Vous avez répondu à mes observations par des arguments auxquels j'ai cédé. D'abord, m'avez-vous dit, vous étiez tout à fait capable de mener à bien l'éducation de Maria, ayant des dispositions innées et un véritable goût pour l'enseignement. Puis, vous m'avez fait remarquer l'inconvénient de laisser une si jeune enfant aux mains d'une institutrice étrangère. Enfin, vous aviez promis à Catherine de vous occuper personnellement de Maria. Me suivez-vous ? Parfaitement. Je vous rappellerai en conséquence que ces arguments ont autant de force aujourd'hui qu'autrefois. En quittant le hall, vous abandonnerez forcément Maria à une institutrice étrangère et vous manquerez à votre promesse envers Catherine. Marguerite, ma chère Marguerite. M. Lester lui prit les deux mains dans les siennes. N'ayez plus de ces pensées-là, au moins quant à présent. Il sera bien assez temps de prendre parti lorsque Lady Adélaïde sera ici. Si vous voyez qu'il vous est impossible de demeurer avec nous, je vous le demande, pour l'amour de Maria, ne vous décidez pas ainsi à la hâte. Souvenez-vous que Catherine vous l'a confié. » Elle retira ses mains tranquillement, sans rien perdre de son calme, malgré les battements de sa poitrine et l'altération de ses traits. M. Lester vit son émotion, mais il se méprit sur le sentiment qui l'oppressait. Il la crut peinée et agitée à l'idée de voir la place de son ancienne amie occupée par une étrangère. « Nous reprendrons ce sujet à un autre moment, » dit-elle. « Il se fait tard. » Et pliant précipitamment son ouvrage, comme si elle n'avait pas une minute à perdre, elle sortit du salon en toute hâte. « Ah, nous avons tout le temps, » se répéta lui-même M. Lester en débouchant la bouteille de soda water. « Au fond, je ne suis pas fâché que ces bavards m'aient pavé le chemin. Qui aurait jamais cru que Marguerite prendrait la chose de cette façon tragique ? Je ne l'ai jamais vue si agitée. C'est bien là les femmes du reste, avec leurs idées sentimentales. S'imaginer que parce qu'un homme est veuf, il doit rester fidèle à un tombeau, elles n'ont pas le sens commun, dans mon cas particulier surtout. Marguerite sait bien que je n'ai jamais eu d'amour pour Catherine, mais seulement de l'estime. Bon, elle redeviendra raisonnable. Il me semble qu'une goutte d'eau de vie ne ferait pas mal dans ce soda water, conclut-il en sonnant Jones. Miss Bordelion, une fois seule dans sa chambre, se mit à réfléchir. Que ferait-elle ? Que devait-elle faire ? C'était une femme esclave de sa conscience et soucieuse jusqu'à se sacrifier elle-même de remplir les devoirs qui lui incombaient, quels qu'ils fussent. L'appel de M. Lester, en ce qui concernait Maria, la troublait profondément. « J'ai promis à Catherine de ne jamais mettre cet enfant en pension, et même de ne la confier aux soins d'une institutrice que sous ma surveillance directe. Que sont mes souffrances personnelles et mes sentiments froissés en comparaison de cet engagement solennel ? Je mérite ce châtiment. De quel droit me suis-je imaginé qu'il allait me demander d'être sa femme ? Est-ce sa faute à lui si je me suis follement laissé entraîner à l'aimer ? Oui, je mérite ce châtiment. Eh bien, je l'accepte, et je le supporterai en silence, du mieux que je le pourrai. » Elle réfléchit ainsi toute la nuit, luttant contre sa douleur, résistant à ses pensées. Elle s'arrête enfin à un compromis entre ses sentiments et sa conscience, et résolue de ne pas quitter précipitamment le hall, comme elle en avait eu d'abord l'intention. Elle y resterait jusqu'au mariage, et alors, pendant le voyage de noces de M. Lester et de sa jeune femme, elle partirait pour toujours. Peut-être l'appréhension d'un changement d'existence et la crainte de l'avenir l'amènerait-elle peu à peu à ce compromis et inspirerait-elle sa décision ? Marguerite Bourdillon était très pauvre et ne savait pas, en vérité, s'il aurait de quoi vivre, réduite à ses propres ressources. Cependant, la santé de Lord Dane se rétablissait, à la secrète surprise de M. Wilde. Ce gentleman ne faisait malgré tout aucun doute de sa mort prochaine, mais les médecins prétendent généralement qu'il n'est pas de leur devoir de dire la vérité à leurs clients, et celui de Dainchel ne faisait pas exception à la règle. Ce changement dans la santé de Lord Dane était vraiment extraordinaire. Levé dès l'aurore, comme c'était son habitude avant tous les malheurs dont il avait été frappé, le vieux lord sortait même dans sa petite voiture pour jouir de la belle saison. Squire Lester et Adélaïde l'accompagnaient presque toujours. Quelquefois, c'était Geoffrey Dane. Lady Adélaïde, alors, s'abstenait de paraître. Mais, hélas, ce mieux ne dura qu'une semaine ou deux. M. Wilde aurait pu prédire, s'il avait osé dès le premier jour, que la rechute était inévitable. Et Lord Dane reprit le lit. Il ne devait plus le quitter. Comme la plupart des malades affectés de maladies chroniques, il ne semblait pas prévoir sa fin prochaine, quoiqu'il sût certainement son mal sans remède. Sa maladie pouvait aussi bien l'emporter à l'instant que le laisser vivre 6 mois encore. Il insista cependant auprès d'Adélaïde pour qu'elle consentît à avancer l'époque de son mariage. « Le château appartiendra à Geoffrey Dane, lui dit-il, et deviendrait sa résidence, au moment même où il rendrait le dernier soupir. » M. Lester, de son côté, n'épargna aucun effort pour la décider. Tout fut inutile. Adélaïde ne voulut rien écouter, objectant qu'elle était encore en grand deuil et qu'on venait à peine d'enterrer sa tante et Harry. « Vous la conduirez à l'église, n'est-ce pas, Geoffrey, et vous me remplacerez à la cérémonie, » dit Lord Dane à son neveu. « Elle fait la récalcitrante maintenant, mais cela ne peut durer longtemps. Ce n'est que de la modestie et de la pudeur mal placées. » Geoffrey Dane, se sentant rougir, passa négligemment la main sur son front pour que son oncle ne vît rien de son émotion. « Non, non, ne me demandez pas cela, mon oncle, » répondit-il d'une voix basse, mais ferme. « Si elle épouse George Laster, eh bien, qu'elle l'épouse. Mais je n'assisterai pas à ce mariage et ne m'en mêlerai d'aucune façon. Mais c'est de la niaiserie, Geoffrey. Peut-être qu'elle fasse venir Lord Hurkdale. C'est plus aisé à dire qu'à faire. Hurkdale n'ose pas mettre le pied en Angleterre à cause de ses dettes, vous le savez bien. Enfin, n'importe, nous trouverons quelqu'un d'autre. » Un jour, Lord Dane envoyait chercher son homme de loi à parler. Son ministère lui était nécessaire pour certains règlements, car ne se doutant pas de l'imminence de sa mort, il avait négligé de s'occuper d'affaires depuis quelque temps, remettant chaque jour au lendemain. C'était d'abord son testament qu'il désirait modifier. La mort de ses deux fils lui permettait de tester comme bon lui semblait, et il indiqua le legs qu'il avait l'intention de faire à Lady Adélaïde, à Cecilia Dane, à ses domestiques, et quelques autres personnes. Legs de peu d'importance en réalité, car les biens de Lord Dane avaient le droit de disposer n'étaient pas considérables, presque tous étant grevés de substitution. M. Apparly, après avoir écouté ses instructions en silence, lui dit « Avez-vous oublié, my lord, que vous êtes héritier de votre fils, le capitaine Dane? Il doit avoir laissé une grande fortune. » « Personne de nous en profitera, Apparly, » répondit Lord Dane en secouant la tête, quelque considérable qu'elle puisse être. Un jour, nous causions argent et fortune, c'était le jour même où il m'avoua son amour pour Lady Adélaïde, le pauvre garçon, et son désir de l'épouser. Je lui demandais s'il avait jamais eu la pensée de faire un testament. Vous savez, n'est-ce pas, que tous ces fonds étaient placés en valeurs américaines? Oui, je sais cela. Oui, eh bien, il me répondit que son testament était fait depuis longtemps et déposé en Amérique. Il laissait, me dit-il, toute sa fortune à des amis, là-bas. Je ne pus m'empêcher de lui faire observer qu'il aurait pu agir plus fraternellement et ne pas oublier Geoffrey. Mais ils ne furent jamais en bons termes, comme vous ne l'ignorez pas. Non, à parler, quand bien même je mourrais de faim en quête d'une livre sterling, je n'aurais pas à compter sur la fortune de Harry. Enfin, peu importe, je n'en ai pas besoin et Geoffrey est mort. Autrement, cela aurait été assez pénible de voir tant d'argent sortir de la famille. Mais s'il avait vécu et eût épousé Lady Adélaïde, il aurait évidemment annulé ce testament, s'écria M. Apparly. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, et telle était en effet son intention, mais la mort l'a surpris avant qu'il ait pu mettre son projet à exécution. L'avocat emporta chez lui les instructions écrites. À la grande surprise de Lord Dane, le jour suivant, il revint au château. « Déjà fait, s'écria sa seigneurie en se réveillant. Depuis le matin, il était plongé dans une sorte d'assoupissement étrange. « Comment ? C'est déjà prêt ? Pourquoi cette hâte ? Je ne vais pas, j'imagine, m'éteindre comme une bougie qu'on souffle. Tout sera prêt cet après-midi, my lord, et vous signerez quand il vous plaira. Ce n'est pas le testament qui m'amène en ce moment. J'ai à vous entretenir d'une autre affaire. Hawthorne désirait signer le bail du rendez-vous des marins. Pour quelle raison ? Vous devez vous rappeler que ses deux frères sont partis pour l'Australie, il y a 3 ou 4 ans. Ils paraissent avoir fort bien réussi et désirent qu'Hawthorne et sa femme viennent les rejoindre. Hawthorne, d'abord irrésolu, voilà des semaines qu'il passe son temps à dire « j'irai, je n'irai pas ». C'est tout d'un coup décidé et maintenant ne pense plus, comme c'est généralement le cas dans ces sortes d'affaires, à autre chose qu'à son départ. Il voudrait partir tout de suite, la semaine prochaine, si c'est possible et... Un homme et une femme ne partent pas ainsi pour un voyage de 5 mois et ne vont pas s'établir dans un nouveau pays sans avoir besoin de plus de préparatifs que cela, interrompit Lord Dane. « Oh, ils ne doivent pas s'embarquer si vite, » expliqua M. Apparley. La sœur de Hawthorne, Kezia, l'ancienne femme de chambre de Mme Lester, est mariée à un boutiquier de Londres. Faut vous le rappeler, my lord, un boulanger, je crois. Ils partent aussi tous deux pour l'Australie, et désire que Hawthorne et sa femme viennent à Londres le plus tôt possible. Ils feraient leurs préparatifs ensemble. Hawthorne m'a raconté tout cela en me priant de demander à votre seigneurie de vouloir bien rompre son bail. « Je ne sais pas trop, » dit Lord Dane, qui n'avait jamais été particulièrement doux avec ses tenanciers. « Il ne fera rien de bon en restant. » La dernière lettre reçue d'Australie est si pleine de détails alléchants sur la fortune de ses frères que Hawthorne en est devenu presque fou. Il a le cerveau tellement rempli de visions dorées qu'il ne sait plus s'il marche sur la tête ou sur les pieds. Il est venu me trouver ce matin pour m'annoncer qu'il avait un locataire à vous proposer à sa place. « Hein ?» fit Lord Dane. « Le rendez-vous des marins est une bonne maison, et je trouverai 20 locataires pour un, quand on saura qu'il est alloué. Un homme rangé laborieux est sûr d'y gagner largement sa vie. Hawthorne a tort de ne pas réfléchir à 2 fois avant de le quitter. C'est ce que je lui ai dit. » Mais vous détourneriez plus facilement la Tamise de son cours que Hawthorne de son idée. Sa femme est encore plus entêtée que lui si c'est possible. Elle a déjà fait ses mal, afin de pouvoir partir pour Londres sans perdre un instant. Aussitôt votre consentement donné. Hawthorne restera pendant 2 jours pour arranger les affaires. Que feront-ils de leur matériel et de leurs meubles? Quiconque prend dans la maison sera bien forcé de les acheter. Hawthorne estime le tout 600 livres. Meubles, matériel, bail et pot de vin, ce n'est pas exagéré. L'homme qu'il propose sera un bon locataire. Michel ? Michel ? Interrompit Lord Dane. Que diable ferait-il d'une auberge, et où est son argent ? Votre seigneurie veut parler du douanier. C'est de son frère qu'il s'agit, John Michel. Ah oui, je l'oubliais. Oui, ce serait un bon locataire. Et il a de quoi payer Hawthorne, content. Eh bien, je m'en rapporte à vous, Apparley. Ce que vous ferez sera bien fait. Si Hawthorne me présente un remplacement convenable, je consens à rompre son bail. Très bien, my lord. Avant de rien terminer, c'est-à-dire avant de signer, vous me soumettrez formellement le nom du nouveau locataire. Je veux voir s'il me convient. C'est entendu, my lord. Mais je puis, n'est-ce pas, permettre à Hawthorne de continuer ses négociations avec Michel. Rien ne saurait se conclure entre eux tant qu'ils ignoreront si Michel est, oui ou non, accepté par vous. Oui, oui, qu'il termine. Je ne ferai aucune objection contre Michel. John Michel est un homme honorable, très honorable. Alors tout est bien. À quelle heure reviendrai-je pour le testament, my lord ? À 3 heures ? À 4 heures ? Quand vous voudrez. Vous ne me trouverez pas sorti, ajouta Lord Dane en souriant doucement. Eh bien, à 3 heures. Je souhaite le bonjour à votre seigneurie. J'espère que ma visite ne l'a pas trop fatigué. Il avait à peine quitté la chambre qu'un grand coup de sonnette le rappela. « À parler, » dit Lord Dane, « je me sens un peu là. Je suis moins à mon aise que ce matin. Ne revenez pas aujourd'hui. » Une espèce de pressentiment traversa l'esprit de l'avocat. « Est-ce bien nécessaire de remettre à demain, my lord ? » demanda-t-il. « Ne serait-il pas préférable de terminer de suite ? Ce sera une préoccupation de moins pour vous. » « Je ne veux pas me fatiguer davantage aujourd'hui. Revenez demain matin à 11 heures, et dites à Hawthorne que je serai heureux de le voir avant son départ. » car nous ne nous rencontrerons plus en ce monde. » L'avocat salua et rentra chez lui de toute la vitesse de ses jambes, sachant que plusieurs clients l'y attendaient. Parmi eux se trouvait Michel. « Hawthorne et moi, nous sommes d'accord, monsieur, » dit-il à M. Apparley. Nous aurons besoin de vous pour rédiger le contrat de vente et le transfert. C'est parfait, mon brave homme, répliqua l'homme de loi, qui, naturellement, étant avocat, encombrait toujours le chemin de toutes sortes de difficultés, alors même qu'il n'en existait aucune. Mais il y a une troisième personne à consulter en cette affaire, en dehors de vous et de Hawthorne, c'est Lord Dane. Je suis certain que sa seigneurie m'acceptera dès demain. Il ne trouvera jamais un locataire lui présentant autant de garanties que moi. Vous me l'avez vous-même donné à entendre hier, monsieur Apparley. Je n'ai rien à dire contre vous, Michel. Il n'y a pas de doute que sa seigneurie pourrait rencontrer plus mal. Eh bien, je m'occuperai de votre affaire d'ici à quelques jours. Si c'est un effet de votre bonté, monsieur, de vous en occuper de suite. Nous voudrions que le contrat fût rédigé sans retard. Je désirais prendre possession la semaine prochaine, et Hawthorne a besoin, lui aussi, de partir au plus vite. Ta, ta, ta, s'écria monsieur Apparley. Vous ne pouvez pas prendre ainsi le taureau par les cornes. Il y a des gens qui attendent 6 mois avant de prendre possession d'une maison. Je suis trop occupé aujourd'hui et je le serai encore demain. Revenez après-demain matin. Pendant ce temps-là, je tâcherai de voir Lord Dane. J'ose dire, monsieur, répliqua John Michel, en regardant l'avocat dans le blanc des yeux, que vous pourriez terminer l'affaire immédiatement si vous le vouliez. Ce n'est pas tant que j'ai hâte de prendre possession de l'auberge. Mais Hawthorne est pressé de la quitter, comme vous savez. Ce que je désire, c'est d'être sûr de l'avoir, d'être sûr de ne pas être supplanté par un autre. Je paierai volontiers cette somme pour être fixé dès à présent. Il posa sur la table un billet de 250 francs. 250 francs offrait quelque attrait à M. Apparley, comme à la plupart des hommes et aux avocats en particulier, si l'on en croit l'opinion publique. Il regarda le billet d'un air satisfait, mais fidèle aux habitudes de sa profession, et espérant probablement obtenir davantage, il ne laissa pas échapper le mot décisif. « J'ai en effet une certaine liberté pour terminer l'affaire, Michel, et je crois pouvoir vous faire une promesse presque formelle, en admettant bien entendu le consentement de Lord Dane. « Cela va sans dire, monsieur a parlé. Alors c'est une chose faite, car je le sais, sa seigneurie ne fera pas d'objection contre moi. « Bonjour, monsieur Apparley, en vous remerciant. « Et n'oubliez pas de venir après-demain, dans la matinée, les actes seront prêts. « Quant à cela, ajouta l'homme de loi en mettant négligemment le billet de banque dans son bureau, ce sera un acompte sur les frais. »